Section 93 de la lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Rémi. La lecture, tome 7e. Section 93, La force de l'homme, par Henri de Parville. Depuis que les moteurs mécaniques se sont répandus dans l'industrie, l'attention s'est peu à peu détournée des moteurs animés. Il est des cas cependant où le travail de l'homme et des animaux est encore économique, des circonstances où il est même indispensable. On ne se rend pas d'ailleurs un compte toujours bien exact des efforts que peuvent développer les moteurs animés. Il nous a paru qu'il ne serait pas superflu de grouper, à cet égard, quelques renseignements utiles et peu connus. L'homme est susceptible d'efforts musculaires passagers très considérables. Beaucoup de portefaix transportent des fardeaux de 300-400 kg. On cite un fort de la Halle qui paria un jour qu'il porterait 4 sacs de farine. Il marcha très bien avec 3 sacs, mais quand il fut chargé du quatrième, il tomba brisé sous cette charge de 636 kg. On voit assez souvent des acrobates soulever des poids de 800 à 900 kg. La force musculaire des doigts est particulièrement étonnante. Certaines personnes plient en deux une pièce de 1 franc saisie entre le pouce et l'index de chaque main. Il faudrait, pour produire le même effet, charger le milieu de la pièce portée sur 2 appuis d'un poids de 70 kg. On voit de même écraser entre les doigts des noyaux d'abricots. La pression développée dans ce cas équivaut à plus de 30 kg. C'est énorme. Nos muscles sont, comme on le voit, d'une puissance remarquable. Ils peuvent développer accidentellement une force supérieure à celle d'une machine de plus de 2 chevaux-vapeur. Un très bon sauteur, pesant 60 kg, peut s'élever sans élan à une hauteur de 1,60 m. Le travail effectué ainsi, en une demi-seconde à peu près, se mesure en multipliant le poids du sauteur par la hauteur à laquelle il s'élève. Il est donc de 96 kg mètres. Il correspond au travail d'une machine à vapeur de 2 chevaux et un quart. Note. Rappelons que le kilogramme mètre est l'unité de travail. C'est le travail correspondant à l'élévation d'un poids de 1 kg à 1 mètre par seconde. Le cheval vapeur fournit 75 kg mètres. Fin de la note. La vitesse ordinaire d'un homme au pas, en pleine, est de 1,66 m par seconde, soit 6 km à l'heure. On arrive assez facilement à faire 2 mètres par seconde, soit 7 200 mètres par heure. Les coureurs exercés parcourent jusqu'à 7 mètres par seconde, ce qui fait 26 km à l'heure. Comme résultat moyen, on peut dire qu'un bon marcheur peut faire dans sa journée 50 à 60 km, à des vitesses comprises entre 5 et 6 km. Nous parlons ici de l'homme non chargé. Quand le marcheur porte un fardeau, l'espace qu'il peut parcourir diminue très vite avec le poids transporté. L'allure n'est pas sensiblement modifiée quand la charge n'excède pas 15 kg. Elle l'est complètement quand elle dépasse 20 à 30 kg et elle varie selon le mode de transport et la distribution du fardeau par rapport à l'axe du corps. Coulon dit que les colporteurs règlent leur marche de façon à parcourir 20 km par jour avec une charge de 45 kg. Un soldat français chargé de 15 à 20 kg parcourt en pleine 1,083 m par seconde. Il fait à la minute 100 pas de 0,65 m. La journée de marche ne doit pas dépasser 27 à 32 km. Et même dans ces conditions, il faut accorder aux hommes un jour de repos sur 5 ou 6 de marche. L'homme qui gravit sans charge un escalier, dont les marches ont pour hauteur 0,15 m, ou, ce qui revient au même, gravit une rampe modérée sur une bonne route, peut au besoin continuer ce travail 8 heures. C'est un maximum pour un travail journalier continu. Il résulte des chiffres précédents que si l'homme peut momentanément développer une force considérable, il ne peut soutenir cet effort longtemps. Et en définitive, il ne peut, en moyenne, dans les meilleures conditions possibles, qu'effectuer en 10 heures un travail de 270 000 kg mètres. En 1 heure, une machine d'un cheval vapeur fait 270 000 kg mètres, soit plus qu'un homme en 10 heures. On peut donc avancer qu'il faut en général 10 hommes pour faire le travail d'une machine, d'un cheval vapeur. Ce sont les animaux les plus petits qui, relativement, ont le plus de force. C'est un fait qui, bien que paradoxal au premier abord, peut s'expliquer facilement par les lois de l'équivalence de la chaleur et de la force. L'animal a un rendement thermique d'autant moindre qu'il est plus lourd. L'homme peut traîner les 86 centièmes de son poids, le cheval ne peut traîner que les 66 centièmes de son poids, le moindre insecte remorque sans peine 5, 10, 20 fois son propre poids. Certains coléoptères font équilibre à une traction qui va jusqu'à 42 fois leur poids. Si un cheval avait, toute proportion gardée, la force d'une donatie, la traction qu'il pourrait opérer serait de 25 000 kg. Elle n'est en moyenne que de 55 kg. On commence à faire travailler les chevaux dès la fin de la seconde année. Ils rendent des services jusqu'à l'âge de 20 et même de 25 ans. Ils peuvent atteindre un âge plus avancé, beaucoup de chevaux dépassent la quarantaine. Si l'on en croit la chronique, le cheval de Ferdinand Ier, empereur d'Allemagne, 1503 à 1564, était encore en bon état à l'âge de 70 ans. Au repos, la charge que le cheval peut supporter est extrêmement faible. Le duc de Saxe fit charger, à titre d'expérience, un cheval de poids croissant. L'animal succomba sous la charge de 600 kg. En pratique, il convient de ne pas charger le cheval de plus de 100 à 150 kg. Le cheval de cavalerie, avec son cavalier et ses bagages, ne parcourt guère plus de 40 km par jour. Le chameau peut porter environ 350 kg. Au pas, le cheval parcourt de 0,50 m à 0,60 m par seconde, soit de 1800 à 2160 m par heure. Le cheval de troupe fait 1,48 m par seconde, soit 5328 m par heure. Au trot, un bon cheval ordinaire attelé à une voiture légère fait facilement 2,80 m par seconde, soit environ 10 km à l'heure. Au trot, le cheval de troupe fait 2,66 m par seconde, soit 9576 m à l'heure. Au galop, le cheval de troupe parcourt 4,44 m, soit 16 km à l'heure. Tout le monde sait à quelle vitesse peuvent atteindre les chevaux soumis à un régime spécial d'entraînement. Il n'est pas rare que les chevaux de course parcourent 14 mètres par seconde, presque la vitesse des trains express ordinaires. Gladiateur, en 1866, au Bois de Boulogne, a parcouru, avec une charge de 55 kg, 3000 mètres en 3 minutes 35 secondes 4 dixièmes, avec une vitesse moyenne de 13,93 m. Glaneur, en 1869, au Bois de Boulogne, a parcouru, avec une charge de 55 kg, 3000 mètres en 3 minutes 20 secondes et 4 dixièmes, ce qui donne une vitesse moyenne de 14,97 m. Les anciennes malle-postes étaient traînées par 4 chevaux qui faisaient environ 20 km par heure, à la vitesse moyenne de 4,44 m par seconde ou de 16 000 m par heure. Ces chevaux de choix s'usaient très vite. La voiture pesait 2000 kg. On n'atteignait pas ces vitesses à l'époque où, selon les chroniqueurs, on brûlait le pavé. Le duc de Choiseul, surintendant des postes et relais, qui mettait son amour-propre à voyager avec une vitesse exceptionnelle, employait 13 heures pour aller de la rue Jean-Jacques Rousseau à son château de Chanteloup près d'Amboise. La distance est de 48 lieues. Les montées et la nature du sol modifient beaucoup le travail effectif de l'animal et peuvent produire une grande fatigue. On va en juger par quelques exemples. Considérons d'abord la nature de la route. Sur un terrain argileux, mais sec, l'effort de tirage est le 25e de la charge à transporter. Sur un terrain crayeux, le 17e. Sur une route moyennement entretenue, les 8e. Un véhicule de 500 kg, chargé de 1000 kg, n'exigera en terrain horizontal, sur une route en bon état, qu'un effort de 22 kg. Et si la route est en mauvais état, 88 kg, soit 4 fois plus. Si le chemin est argileux, l'effort de traction y pourra atteindre 372 kg. Ces chiffres montrent nettement l'influence de l'état des routes sur la fatigue des animaux, et par suite, sur le prix des transports. D'après une des plus récentes statistiques, il existe en France 2 251 793 chevaux, n'ont compris 661 619 animaux de moins de 3 ans dont le travail est presque nul. L'armée et l'industrie emploient environ 442 000 chevaux, les travaux agricoles occupent à eux seuls 1 810 000 chevaux. Le travail effectif moyen est bien, par tête et par jour, de 1 800 000 kg/m. Mais en tenant compte des chômages, des pertes de temps, de l'insuffisance de nourriture, le travail réel moyen ne doit pas dépasser 1 million de kg/m. Le travail total accompli par jour en France par l'espèce chevaline doit donc être voisin de 2 251 milliards 793 millions de kg/m. C'est environ celui de 90 000 chevaux vapeur. Les bœufs et les taureaux employés en agriculture sont en France au nombre de 2 380 600. Les vaches soumises à l'attelage au nombre de 3 300 000, d'après M. Hervé Mangon. Le travail effectif moyen fourni par un bœuf ou une vache est évalué au 7 dixièmes de celui du cheval. Le nombre des journées de travail se réduit pour le bœuf à 173 jours, pour la vache à 138 jours en moyenne et par an, quand le nombre moyen des journées du cheval est de 200. Le travail des chevaux et des bœufs sextuple au moins les moyens de production agricole de l'homme. On voit en définitive qu'à notre époque encore, les moteurs animés jouent un rôle considérable qu'il était bon de ne pas laisser inaperçu dans la production et la distribution des richesses nationales. Fin de la section 93.